Chapitre 3e. Belle conduite de mon cousin à mon égard. Nous nous séparons. Rencontre de la frégate La Preneuse. Nous étions déjà depuis quelques jours mouillés dans la rade, lorsque mon cousin me fit prévenir qu'il avait à me parler. Je m'empressai de passer sur la forte. « Louis, me dit-il, je vais probablement retourner en France et tu conçois que je t'aime trop pour que je songe à t'emmener avec moi. Je ne suis pas un assez mauvais parent pour vouloir te faire quitter la mer des Indes, où il y a beaucoup de dangers à courir et de la gloire à gagner. Tu es assez grand pour voler de tes propres ailes. Vole le plus haut que tu pourras. » Mon cousin, après m'avoir annoncé notre séparation, m'emmena à terre avec lui et me garda à dîner. Dans la soirée, il me présenta au capitaine de la Brûle-Gueule, M. Bruneau de la Souchet, et me recommanda à sa bienveillance comme si j'eusse été son propre fils. Cet officier, aussi homme du monde qu'il était bon marin, accueillit la demande de son collègue de la meilleure grâce et l'assura qu'il le remplacerait autant que possible auprès de moi. Je dois me hâter d'ajouter que M. de la Souchet accomplit régulièrement cette promesse et que je n'eus, une fois à bord de son navire, qu'à me louer complètement de sa bonté. L'heure de me retirer est venue, mon cousin me serra énergiquement la main et me souhaita, d'une voix attendrie, toutes sortes de bonheur. Je lui retournai ses vœux, mais m'interrompant aussitôt, « Bon, continua-t-il, je me fais vieux. » Et l'heure de la non-activité arrive à grands pas pour moi. Que deviendrai-je lorsque, privé de mon banc de car, il me faudra rester seul et solitaire à terre? Cette idée m'épouvante. Je ne demande qu'une chose à Dieu, c'est de recevoir, avant la fin de ma carrière maritime, un boulet de 24 en pleine poitrine. C'est là mon rêve d'avenir. Et je ne sais si c'est le désir que j'éprouve de voir s'accomplir ce dénouement. Je sens en moi comme un pressentiment intime de ma fin prochaine. Encore une poignée de main et adieu. Je m'éloignai, lorsque mon cousin courut après moi. « À propos, j'oubliais que tu n'as pas encore touché un seul mois de solde et que tu es à sec. Prends ces 25 louis, mon ami, ils te serviront à supporter le séjour à terre pendant les relâches. » Ce cadeau me causa un plaisir d'autant plus sensible que mes finances et celles de mon matelot étaient en effet dans un déplorable état. Aussi m'empressai-je d'aller rejoindre au plus vite le frère Lacotte pour lui raconter la bonne aubaine qui nous arrivait. Quant à mon bon et brave cousin Beaulieu, cette fois était bien en effet la dernière que je devais le voir. Ses pressentiments ne se réalisèrent que trop complètement et trop tôt. En 1801, la frégate La Forte, qu'il commandait toujours, fut prise sur les brases du Bengale par la Cybelle et mon pauvre parent tomba mort pendant le combat sous un boulet. Après un séjour trop long pour ma santé à Batavia, puisque j'ai pris les fièvres du pays, le Pigot remit en mer. Le grand nombre des prisonniers que contenait la prise et qui menaçaient à chaque instant de se révolter força la corvette La Brûle-Gueule de nous escorter jusqu'à l'île de France. À peine arrivé à l'île de France, j'entrai à l'hôpital. Pendant tout le cours de ma maladie, Carnot me visita avec une assiduité sans pareille et se montra plein de dévouement et de prévenance pour moi. « Allons, du courage, me dit-il quand je fus convalescent. Nous nous retrouverons bientôt sur un pont de navire ensemble. Le moment de mettre à exécution ton projet n'est donc pas encore venu? Ah, sacré mille noms! Tu me prends donc pour un chenapan fini que tu m'adresses une question semblable? Quitter son matelot quand il est malade et qu'il peut avoir besoin de vous? Allons donc, c'est cocasse comme tout ce que tu me dis là. Ce n'est pas une raison, parce que l'on aime son indépendance, pour que l'on manque de cœur et que l'on soit un chien. » Le 27 avril 1798, je sortis de l'hôpital de l'Île-de-France pour m'embarquer en qualité non plus de pilotin, mais bien de matelot sur la corvette de 22 canons La Brûle-Gueule, qui partit presque aussitôt pour Saint-Marin, où nous mîmes à terre l'amiral de Cercet, qui avait quitté la forte. De Saint-Marin, nous fîmes route pour Batavia, où se trouvait la frégate La Preneuse, capitaine Lhermitte. Dès lors, cet officier prit le commandement des deux navires. En sortant de Batavia, notre petite division fut relâchée de nouveau quelques jours à Saint-Marin. Puis, n'ayant rencontré aucun navire ennemi, elle se dirigea vers les îles Philippines. Carnot maigrissait d'ennui à vue d'œil, mais il ne se plaignait jamais par générosité devant moi de l'horreur que lui inspirait le service sur un navire de guerre.